Je rêve de fuir la misère, changer de paysage. Ça pue la merde ici et je rêve de prendre le large. Pas de prendre de l'âge, on est mieux quand on est jeune. Je rêve d'une vie saine et être à jeun quand y'a du seum. Seulement, j'habite pas près de la Seine. Je rêve que d'oublier mes souvenirs malsains. Sage comme un saint avec l'agilité du singe. Je rêve d'un coussin au paradis avec mes anges. L'enfer me laisse des messages, franchement je capte pas. La souffrance me tient en laisse, je rêve de l'avoir à quatre pattes. Tous les jours je pense à toi cousin. Dès que j'ouvre les yeux, je revois ton visage avec la peau sur les os. Je rêve de te revoir à mes côtés. Je me rappelle des moments où je galérais à t'écouter. Là ton temps était compté. Je rêve d'un retour dans le passé, pourquoi nous avoir quitté Momo? Dehors ces choses attirent, on a tous des choses à dire. Y'a même des gosses à terre, tu vois que la haine sature. Habitué depuis petit peu à serrer la ceinture. L'étau se resserre à petit feu et tous nos rêves s'enterrent. Mais faut faire preuve de courage, ainsi que de volonté. Fini les vols honteux, charbonne si tu veux monter. La vie est pleine d'épreuves, cause, alors fais gaffe aux tacles. Chaque jour faut faire ses preuves et pas c'est les obstacles. J'avance et je fais ma route pendant que certains stagnent. Je l'avoue c'est pas marrant d'avoir la vie instable. Y'a comme un goût amer, et ça tu l'as senti mec. Car ici dans la merde, on s'enfonce par centimètres. Quand je vois tout ça, je capte pas, je suis comme dans un tunnel. Non, moi j'ai pas le don d'Ellison dans The Sentinel. Je me sentirais mieux, moi 2 centimes plus de pif dans les poches. T'inquiète, je vais m'en tirer, je garde la foi pour l'ami, fais les proches. RIFA, INSA mon pote, Zizi, dédicace Amsterdam, sud 200, simple d'Europe mon pote, 8900 cousin, dédicace, Abakur, Adder Boss, Zizi, Arasa, Troll, Kirikou, Merteuil, Zo mon pote, Amsterdam, Arène Palace, AEF, Tavs, Noma, Greg, Zizi, la famille cousin, c'est ça la suite mon pote, Maxime, la pointe, Gizmo, Zizi, FLX mon pote, tous les gars de la suite 200, 8900, Arène Palace, cousin. Samo, Hex, Jux, Yaya, Soso, tout le monde, toute la suite mon pote.